sont les nègres. Notre vieille France est bien malade. On va la nettoyer si tu veux. Je te propose une ratonnade. Le massacre des sales robes. Je te propose une ratonnade, le massacre des sales rebeux. Trop de pognon dans les cités, trop de kebab, pas ces trois gamins. Putain de melon, tu vas dérouiller pour me trimer sur ta mosquée. On est mort les pognons, saloperie de pognon. Le pète, ça c'est du pognon, voilà notre destin, massacré. Et leurs alliés youpans, brûler ces arabes, ces êtres inférieurs, casser ces négros qui empestent la sueur. Putain de bicon, je serai tout accro. Putain de bicon, je ne serai plus en troupeau. Putain de bicon, ils s'aborderont.